Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bon lundi. 23 mars à tous. Comment vous avez dormi, vous? Moi, ça va, pas assez. Kéman, bien dormi? On va dire que se réveiller avec un beau temps comme ça, ça me met de bonne humeur, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a eu un week-end un peu dégueu, mais il fait beau aujourd'hui et c'est vraiment super. Est-ce qu'on commencerait pas la matinée par un petit son tranquillou pour nous réveiller tous ensemble? Eh ben, on va peut-être continuer notre lancée d'albums de reprises de Philippe Catherine. Donc on a un album 52 reprises dans l'espace qu'on vous conseille et on va essayer chaque jour de vous présenter une reprise. La dernière fois, c'était Partir un jour, une reprise des 2B3. Et aujourd'hui, on part sur Confidence pour Confidence, une reprise de Jean Schultes, qui est d'ailleurs sur la playlist de la radio des bons cons. Hop, et c'est parti. Je me fous de vous, vous m'aimez, mais pas moi, moi je vous. C'est moi que j'aime à travers vous. Si vous voulez les caresses, restez pas chez moi. Moi j'aime sans sentiment. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Mais aimez-moi à genoux. J'en suis fou. Mais vous à moi, je vous avoue que je peux vivre sans vous. Aimez-moi à genoux. J'en suis fou. Et si ça vous fait peur, dites-vous que sans moi, vous n'êtes rien du tout. Tout pour rien, rien pour vous. Vous m'aimez. La radio des bons cons, c'est la matinale avec Chloé Kéman. J'espère que vous allez bien, nous ça va. J'avoue, ce matin, reprise un petit peu compliquée. Je ne retrouve rien, je suis un peu à la tête dans les nuages. Mais bon, ça va le faire. On vous prévoit des petites surprises, des nouvelles chroniques, les chroniques que nous avons fait également la semaine dernière. Bref, ça commence à avoir un petit peu de la gueule cette matinale. Ouais, mais ne perdons pas de vue que ce qui fait le charme de cette émission, c'est son côté un peu bricolage aussi, hein. un peu comme si on rafistolait un meuble Ikea après avoir déménagé et quand il faut le remonter une deuxième fois finalement et qu'on se rend compte qu'il faudrait que je remette des petites vis par ici, des petites plaintes, voilà, et qu'on a une étagère qui tient finalement pas très droit. Qui ne tient pas, pas très droit, mais qui fait le taf. Évidemment, hein, voilà. Et c'est pas un peu le meilleur résumé de la radio des bons cons. Voilà, c'est bancal, mais ça fait le taf. Et puis de toute façon, vous êtes enfermés chez vous, donc à un moment, faites pas trop les difficiles, hein, parce qu'évidemment, hein, si on pouvait avoir les moyens de France Inter, de Europe 1, bah on le ferait, hein, mais... Alors, dans le chat, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Nous avons Souko Soulard qui nous dit « Moi, j'ai eu un super week-end ensoleillé, et là, il fait moche. » Et elle rajoute « Chloé fait que de tousser, je m'inquiète, est-ce qu'elle fait attention à sa température ?» Alors, je rassure Souko Soulard, tout va bien, je n'ai pas de symptômes de coronavirus. Non, c'est juste que, à la différence de Kéman, je ne me suis pas échauffé la voix ce matin et j'ai toujours pas bu mon thé chaud. Donc j'ai encore ma voix de réveil. Voilà. Merci pour votre inquiétude, en tout cas, chère auditrice. Ça fait plaisir à voir, hein. on est dans l'empathie, le partage, voilà. Peut-être que est-ce qu'on enchaînerait pas sur une petite chronique musicale, volontiers. Tant qu'on est là, hein, tant qu'à faire, parce qu'on n'est pas venu le cul en chou-fleur pour se le faire pouffer par des lapins, hein. Alors aujourd'hui, j'hésitais longuement, hier soir, on a brainstormé de ouf avec Chloé, de quel groupe j'allais vous parler, et je me suis dit Oasis. Et je me suis dit, et pourquoi pas faire Blur Oasis, la Battle of Britpop, comme on dit outre-Manche. Donc voilà, dans les années 90, il y a deux groupes qui sont un peu mis sur la gueule, qui se frittaient à distance pour être le meilleur groupe britannique, voire le meilleur groupe du monde. Il y avait Blur et Oasis. Donc, dans un premier temps, on a les Blur, les petits enfants qui sont bien mignons, avec des petits polos, bien sous ton rapport, qui viennent de Londres, c'est un peu les gendres idéales. Peu importe, on va dire, tout est permis en confinement. Les gendres idéaux, des petites mèches blondes, c'est mignon et ça fait de la petite pop bien mignonne. Face à eux, on a les Oasis, donc plutôt les working class heroes là, qui viennent de Manchester. Du prolo pur et dur, ça dit des gros mots, ça crache par terre, ça a des monosourcils, enfin c'est un peu plus dirty quoi. Donc ces groupes, les deux groupes-là se sont un peu frités dans les années 90 hein, pour savoir qui serait le meilleur. Je vous en dis un peu plus après avoir écouté un extrait de Blur. Donc, voilà. Les deux groupes sont super bons, on peut aimer les deux, c'est possible. Dans les années 90, c'était peut-être plus compliqué. Moi-même, mon cœur a longtemps balancé entre Blur et Oasis. Et je vais commencer avec mes premiers chouchous qui étaient à l'époque les Blur avec un de leurs tout premiers singles, There's No Other Way. Voilà. Et ça part. Taking the fun out of everything, making Pour la matinale de 10h à 11h. Alors, Kéman, vous nous parliez de vos petits groupes, de votre battle de petits groupes. Oui, alors voilà, on va reprendre un petit peu là où on en était entre Blur et Oasis. Donc, pour un peu vous montrer hein, la petite rivalité qu'il y avait entre les groupes, il y a par exemple eu ce genre de situation où, où Oasis décide de sortir un single à une certaine date et Blur, devant sortir le sien, 2 semaines après, et donc avec la potentialité d'avoir déjà Oasis numéro 1 dans les charts, ils ont changé leur date pour qu'elle coïncide avec celle de Blur, parce que s'ils le faisaient, s'ils le sortaient plus tôt, et ben ça donnait l'impression qu'ils avaient peur. S'ils le sortaient le même jour, ça lançait vraiment un combat. Donc là, il y a eu un battle de ouf. C'était, il me semble, pour Supersonic versus Country House de Blur, Supersonic d'Oasis. Et il me semble que c'est Oasis qui a gagné celui-là, enfin voilà. On a des petits clashs, on a par exemple Blur qui va à Top of the Pops avec un t-shirt Oasis, hein, voilà, les deux groupes pouvaient vraiment pas se blairer. Bon, à tel point que alors, dans les années 2000, finalement, Damon Albarn avec Gorillaz a fait venir sur scène Noel Gallagher, donc Noel Gallagher, compositeur, guitariste d'Oasis, ce qui a bien emmerdé son frangin Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, en disant que c'était un trou duc, hein, son frangin. Bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il y a un battle Blur-Oasis, mais au sein d'Oasis, on est déjà sur un battle entre les deux frangins, Noel et Liam Gallagher, qui aujourd'hui peuvent plus du tout se sentir. Bon, je préfère le dire. Donc voilà, je pense que globalement, à cette époque-là, il y a eu un départ de Blur qui a été plus costaud qu'Oasis, mais quand Oasis a débarqué, ça a été énorme. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tournées dans les stades qu'ils ont remplis. Voilà, Wonderwall, c'est un tube interplanétaire, alors on connaît tous Song 2, mais en termes de vente d'albums, de singles, et les concerts qu'ils ont fait, Oasis a explosé Blur, clairement, je vais le dire. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, mais Gorillaz, Damon Albarn, ouais, mais c'est pas la question. Là, la question, c'est que Oasis, ils ont mis une pété à Blur, voilà. Et aujourd'hui, si à chaque fois qu'il y a un trou du cul qui a une guitare dans les soirées, il nous joue Wonderwall, c'est bien parce qu'Oasis a pété des gueules à tout le monde. Vous pourrez les remercier la prochaine fois que vous entendez un mec qui commence là, auprès du coin du feu, là, quand vous faites votre soirée barbecue. Today is gonna be the... Ta gueule ! Shit ! D'ailleurs, on va pas vous passer Wonderwall, je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'on se respecte un petit peu. Alors, on va vous passer Don't Look Back in Anger, qui est aussi un tube quand même, parce qu'il faudrait pas trop vous décevoir, mais qui est relativement safe quand vous faites des soirées en extérieur avec un trou du cul qui amène sa guitare, je préfère vous le dire. Donc voilà, si je dois vous conseiller des albums de Blur, c'est un peu compliqué, ils ont pas des albums hyper consistants, alors limite un best-of, vous passerez un meilleur moment, même si c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais voilà, c'était ils ont fait des bons tubes, et Oasis, c'est What's the Story Morning Glory, un de leurs meilleurs albums. Vous pouvez l'écouter, c'est celui qui a le mieux vendu. Alors, on a un petit message de Souko Soulard, hein, Ophélie, qui nous dit, par rapport à la chanson Don't Look Back in Anger, que la version de Grégoire est mieux. On va pas la diffuser à la radio. Par contre, si vous avez 3 minutes à perdre et encore beaucoup trop de points d'audition, allez sur YouTube, tapez Don't Look Back in Anger, Grégoire. Et vous allez passer un bon moment. Voilà, on a Grégoire qui joue du piano dans une gare SNCF et il nous montre toute l'étendue de ses capacités vocales, je vous le recommande. Nous ici, on va plutôt s'écouter l'original. Vous aurez matière à comparer quand vous irez sur les internets après. Voilà, donc ça part, Don't Look Back in Anger. Là, on sent que les mecs d'Oasis sont méga fans des Beatles. Kiffez, profitez et surfez sur cette matinée. Thank you. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Et on est de retour dans la matinale des bons cons. On vient de s'écouter Don't Look Back in Anger d'Oasis. Et voilà, c'est eux les vainqueurs de la bataille des Britpop. Si vous voulez aller plus loin sur Oasis, il y a un super docu qui a été sorti par Arte où on voit des interviews justement croisées de Liam et Noel Gallagher qui peuvent pas se blairer, donc ils sont pas dans la même pièce. Il est assez touchant, ça doit durer une petite heure, il est dispo sur YouTube, sur la page d'Arte. Donc c'est sur Oasis et c'est assez intéressant de voir le mélange d'admiration et de haine qui existe entre les deux frangins, Liam et Noel Gallagher. Donc voilà, passons à autre chose désormais, laissons la musique de côté. Tout à fait. Alors je vais juste reprendre deux petites choses qui ont été mises sur le Discord. Alors nous avons Douglas Wilson qui nous dit... Ce matin, je suis partagée. D'un côté, je suis bloquée chez moi, comme je l'ai souvent espéré pour un lundi matin, mais je n'éprouve pourtant pas de satisfaction particulière. Est-ce normal ou est-ce simplement mon côté français jamais content ? Eh bien, Douglas Wilson, c'est juste votre côté français jamais content. Voilà. Sinon, nous avons Madame Mona qui nous raconte son rêve. Alors, n'hésitez pas à nous raconter vos rêves, on adore ça. Le rêve de Madame Mona était particulièrement cocasse. Elle nous dit « J'étais à Lyon avec mes parents et on a rencontré Jean Rochefort. On s'est très bien entendu avec lui. Du coup, il a décidé de nous emmener visiter sa galerie d'art et j'en ai profité pour l'enregistrer faire des jingles pour Radio Boncon. » C'est cocasse. Ce qui aurait été cocasse, ça aurait été de rencontrer Jean Lyon à Rochefort. Waouh ! Elle était incroyable ! Oh putain ! Excusez-nous, c'est le matin. Alors, nous ne sommes pas seuls pour cette émission. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un invité au téléphone. Bonjour Elsa. Salut. Alors Elsa, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Elsa. Et puis, je suis la grande sœur de Doug. Celui qui fait des blagues tout le temps là. Waouh, incroyable! Alors Elsa, vous êtes confinée où actuellement? Je suis chez moi, à Grenoble. Et voilà, je pratique le télétravail. Alors voilà. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Elsa, si vous pouviez dire à nos auditeurs? Et je suis enseignante en premier degré, c'est-à-dire que je suis maîtresse de CP. Oh, vous êtes maîtresse d'école! Oui, j'apprends à lire aux enfants, en théorie. Et alors, comment est-ce que ça se passe actuellement avec le confinement pour transférer les cours à vos élèves ? Bah, c'est la merde, voilà, clairement. En fait, je vais parler que pour moi, parce que, évidemment, chaque école, chaque enseignant est différent. Il y a des écoles qui n'ont pas vraiment anticipé du tout et qui sont bien dans la merde pour transmettre leur boulot. Nous, on a un petit peu anticipé la semaine, il y a 10 jours, là. Donc, on a mis en place une plateforme en ligne sur laquelle on dépose des devoirs pour les élèves. Au préalable, on a vérifié les adresses mail, les numéros de téléphone. Et puis, le souci, c'est plutôt pour ceux qui sont éloignés des familles qui sont éloignées du numérique. Voilà. J'ai pas précisé, mais du coup, je suis enseignante en réseau d'éducation prioritaire. Donc, un peu avec les personnes qui sont en précarité. Du coup, il y a des familles, des familles qui ne sont pas françaises, il y a des familles qui ne sont pas françaises et ne savent pas lire, il y a des familles qui sont françaises mais qui ne savent pas lire quand même. Il y a un peu de tout et du coup, c'est un peu galère. On espère que ça ne durera pas trop longtemps parce que. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout un boulot qui est fait pour être fait à distance, quoi. Parce que, après, moi, je parle pour mon cas des CP, apprendre à lire à distance à des enfants, c'est compliqué. Voilà. C'est vrai, c'est compliqué. Elsa, merci pour ce témoignage. J'avais une petite question. J'aurais pu râler encore plus, hein, mais... Mais vous êtes sur une radio libre, vous avez le droit de râler si vous voulez râler. Super. Non, mais voilà, après, le ministre Jean-Michel qui croire à tout le monde qu'il est anticipé depuis des mois et des mois, cette éventualité, ça nous fait doucement rire parce que rien n'est prévu. Les serveurs bug à fond, tout rame, du coup, parce qu'il y a trop d'élèves qui attendent leur travail sur Internet. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Et j'avais une petite question pour nos auditeurs. Est-ce que vous devez, ou en tout cas votre école, elle assure un service minimum pour les enfants de personnel soignant? J'ai entendu parler de cette histoire, que c'était quelque chose qui arrivait pour certains établissements. Ouais, alors du coup, nous, la ville dans laquelle je bosse, il y a 10 groupes scolaires, donc ils ont réuni, il n'y en a pas beaucoup, les enfants de soignants dans une seule école. Je ne sais pas combien il y en a en tout, il va y en avoir moins d'une dizaine. Et après, les enseignants donc se relaient deux par deux pour les jours où il y a besoin pour venir les garder. Après, moi, je pense pas que je vais être concernée vu que j'habite à 70 km de là où je bosse. Du coup, ils privilégient les gens qui habitent à côté. Ah, ok. Eh bien, vous faites un très beau métier et vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui faites ce métier parce que voilà, c'est pas simple et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont se rendre compte que vous faites pas que du garnissage d'enfants. Et j'ai envie de dire quel beau métier, professeur. C'est un très beau métier, mais merci d'être là pour le faire. Et peut-être que les gens regarderont ça avec un petit peu moins de jugement la prochaine fois dans le futur et qu'ils seront peut-être un peu plus admiratifs maintenant qu'ils auront eu à gérer leurs deux ou trois gosses tout seuls chez eux H24. C'est ça, ouais. On verra, peut-être pas. Alors, sur une touche un petit peu plus rigolote, Elsa, est-ce que vous pouvez nous parler de votre morning routine et est-ce qu'elle a changé depuis le début du confinement? Alors, oui, elle a changé parce que en temps normal, je me lève à 5h30 du matin. Oh, waouh! Parce que je travaille loin de là où j'habite, donc du coup, voilà. Alors, du coup, je me lève 2h30 plus tard, donc quand même, c'est pas mal, on va pas se plaindre. Alors quel est le rythme? Je veux dire, vous sortez du lit, alors déjà c'est pied droit en premier, pied gauche en premier, puis les deux de en même temps. Peut-être. Je saute, c'est pieds joints direct, je saute. Sauter du lit. J'écarte les bras, j'hurle, tu vois. Et puis après je vais me laver, je prends mon petit déj et puis. Alors attendez, un petit peu vite là, vous allez vous laver, vous utilisez quel gel douche? Les Français veulent savoir, madame Elsa. J'ai eu un cadeau par une élève à Noël dont j'essaye à tout prix de me débarrasser. C'est un savon liquide dans une espèce de bouteille de champagne, mais vraiment une grosse bouteille. Et c'est très classe. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ouais. Et comme du coup c'est une grosse bouteille, il y a beaucoup de savon. Et du coup je veux absolument m'en débarrasser. Donc ça fait 2 semaines que je me lave avec ça. Donc je pue la fraise. C'est votre partenaire de vie qui doit être heureuse d'apprendre ce genre de choses. Exactement. Je lui demande de participer aussi à l'effort collectif. À du stock, mais elle refuse. Elle a peur pour sa peau. On se demande bien pourquoi. Et ensuite, votre petit déjeuner, il est constitué de quoi? Alors déjà, petit déjeuner ou pas de petit déjeuner, il y a deux teams dans ces cas-là. Ah, petit déjeuner oblige. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit déjeuner? Du thé vert ou du thé noir? Du coup, à l'époque, avant la guerre, je prenais de la brioche ou du pain. Mais maintenant que c'est la guerre, on n'a pas encore reçu nos tickets rationnement. Donc, il n'y a plus de brioche, il n'y a plus de pain. Donc, on a des petits biscottes parce que les magasins sont vides. Alors, nous avons une question de Madame Mona qui nous demande: est-ce qu'on peut vraiment vous faire confiance pour éduquer des enfants, sachant que vous êtes responsable d'une partie de l'éducation de Doug? Doug, je le rappelle aux auditeurs, c'est votre frère qui officie sur la radio des Boncons. Alors, merci pour cette question, Madame Mona. Non, je ne suis absolument pas responsable de l'éducation de Doug. Toute ma vie, et c'est pas fini, toute ma vie, je me bats pour qu'il aille dans le droit chemin et il refuse. Donc on peut me faire confiance, mais effectivement, j'avoue que pour Doug, j'ai échoué, quoi. Lamentablement. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui finalement a suscité une vocation chez vous, à placer les gens dans le droit chemin comme vous n'avez pas pu le faire avec votre frère? Et bien peut-être, qui sait. Alors reprenons sur ce petit déjeuner. Donc vous nous avez dit. Du thé vert, thé noir? Eh bien, ça dépend de l'humeur du moment. Oh, alors ce matin, vous étiez de quelle humeur? Ce matin, thé noir. Oh, alors qu'est-ce que ça veut dire de votre humeur quand vous êtes plutôt ténoir? Bah que je sais pas. Que vous étiez prête à affronter la vie parce que on est sur un thé quand même beaucoup plus fort. Ouais, voilà, c'est que il faut s'y remettre quoi. Le week-end ça va être plus thé vert parce que bon c'est doucement réveillé en douceur là il faut s'y mettre donc thé noir bim. Infusé pendant un quart d'heure comme ça vraiment dégueulasse et puis c'est parti quoi. Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de vos proches assez facilement quand même, vous en prenez? Est-ce qu'il y a des gens touchés autour de vous? Les touchés, ouais, c'est des copains de mes parents. Ah! Sinon, ouais, j'ai des nouvelles de ma famille. On a fait un apéro WhatsApp l'autre soir, à l'initiative de Maman Doug, qui d'ailleurs, au passage, attend votre appel avec impatience. Il faut savoir que quand même, je le dis, hein, Doug a honte de sa famille, donc il a pas envie qu'on appelle sa mère parce qu'il a peur de ce qu'elle pourrait dire. Bah pourtant, nous, on adore Nadia. Mais oui, bisous maman, parce que je sais qu'elle m'écoute. Ah. Mais écoutez, je vous remercie Elsa d'avoir été notre première invitée de la matinale, on est super contents. J'ai deux petits messages, par contre, du coup, si je peux me permettre. Ah bah hein, allez-y. Si c'est une radio libre, voilà, hein, faut assumer maintenant. Ah bah complètement, allez-y. Je souhaite un bon anniversaire à Kiki. Voilà. Et puis je remercie la radio des bons cons, grâce à qui maintenant il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Par exemple, je fais une cure de sébum. C'est Louis. Je fais une cure de sébum en boubou, en buvant du concombre. Et du coup, j'ai même appris qu'il y avait un mot en allemand pour le dire. Ça s'appelle Schweizerisch. Mais dites donc, vous êtes vraiment une auditrice assidue. Je pense que toute l'équipe en est ravie. On vous remercie, Elsa. Merci beaucoup de votre. Merci à vous. Vous êtes géniaux. De votre fidélité. Au revoir, Elsa. À bientôt. Salut. Bon, alors, on va se faire un petit son là. On va s'écouter une petite musique pour tous ceux qui en peuvent plus et ont envie de défoncer la porte de leur appartement pour voir la lumière du jour leur frapper le visage. C'est I Want to Break Free de Queen. I want to break free.